Toujours eu qu'à faut envoyer les flics. Oh, liberté, égalité, fraternité, circuler. Les profs et les artistes ont toujours su y faire. Pour calibrer les bombes avec le moule en fer. Si on élimine avec autorité. Différencier les individualités. Y'a pas comme ces moyens d'éduquer les marmots. Il faut voir que cette tête part en tournant en haut.